pe leve leve mwen ke rete sise. Tout ou sou pa la mwen ka mor. Tout jounen pe pase pase tout zanmi pe sifle. Tout ou sou pa la mwen ka mor. Si ou pa la mwen ke tombe, mwen ke tombe. Oh, si ou pa la mwen ke tombe, mwen ke tombe. Oh, si ou pa la mwen ke tombe, mwen ke tombe. Si ou pa la mwen ke tombe, mwen ke tombe. On l'a plus tombé, on l'a mou fini. Ça casse un conci pour nous sa mort. On s'y mène passé, ou pas qu'à venir. Sans mi pas qu'à venir encore sa mort. Si ou pa la mwen ke tombe, mwen ke tombe. Oh, si ou pa la mwen ke tombe, mwen ke tombe. Mwen ke monte ou pa tombe. Mwen te promet vous plus que ça. Mwen di ou mwen pa ver encore. Mwen pa te jan kwe ti sa. Ke mi l'an meyao. Sa ka manke mwen ou sa. On mache en volant. Mais mwen pe pa oublie sa. Songe qui j'en moins fait, doudou pour moi laisser sa mort. D'avoir ça t'es serré, serré moi pas t'es que j'en crois. Doudou t'es qui laisser sa mort. Si ou pas là, moi qui tombé, moi qui tombé. Oh, si ou pas là, moi qui tombé, moi qui tombé. Pas ni jour, pas ni l'envie. Pas sans que y'ait moins j'attire ni y'en confie. Parce que moi j'ai fait pleuver qu'on pas fini. Y'a l'air ou petit, c'est qualité, moi pas fini. Songez les voix, on nous te met ensemble. Adon, on a voulu, non, pour mon père, pas j'insomme. Ou vite, avec moi, tu n'y plusieurs femmes. Aïe, moi, pé, pas ni, c'est tout rayon, moi, cafon. Moi, pas ni goût, moi, pas ni l'envie. Pas qu'arriver ou peser, moi, pas ni l'envie. Oh, sans lui, la journée, lever l'envie. Comme mon capote, son café, qu'à lever l'envie. Oh, si ou pas là, moi qui tombe, moi qui tombe. Oh, si ou pas là, moi qui tombe, moi qui tombe. Que mante ou pardon. Moi te promette vous plus que ça. Moi dis ou moi pas vers moi. Que moi pas des gens moi dis ça. Que me l'on me yao. Ça qu'a manqué moi ou ça. On marche en pardon. Mais moi peux pas oublier ça. Abatte pour jodi jou sa mort. Ou pati en bas là, mwen rete ici. A pa pou sa pou jodi jou sa mort. Kade jan, parole en mwen, ka fe ou souriye. A pa la peine réfléchi, si ou mwen, sa pa aye. Yen ki nourri nou, yen ki yeve l'homme nou. Yen ki yeve l'homme nou.